Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. Soyez assurés de passer un bel été, le plus beau des étés, avec le son de Skyrock, premier sur le rap, premier sur les classiques, comme tous les dimanches soirs entre 18h et 20h. On va se faire du gros son là. Tiens, on lance l'émission maintenant avec, attention, Eminem Without Me. On se met Jay-Z, Kanye West juste après. Niggas in Paris, la version Skyrock exceptionnelle du 113. C'est Jackpot 2000. Et puis vous pourrez réagir à l'émission. Si le son vous plaît, ça se passe avec le hashtag Skyrock Classics. KLA2SIKS. C'est Maxime avec vous jusqu'à 20h sur Skyrock. Skyrock Classics avec Maxime, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Premier sur le rap. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, 'cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, fuck that. Come on your lips and some on your tits and get ready, 'cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, 'til someone comes along and yells, bitch! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. Notice, let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe for you to see. So damn much of my ass you ask for me. Well, I'm back. Fix your minutes and I'm tuning in, and then I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter, the center of attention, back for the winner. I'm interesting, the best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel the tension, soon as someone mentions me, here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. A tits get a tasket, I go tit for tat with anybody who's talking this shit, that shit. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obi. You 36-year-old boy, that fag low me. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to disgust me, so this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Hey, I'm not the first king of controversy. I am the worst thing since Elvis Presley, to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow. Skyrock Classics. Tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that, don't shit phase. And as we go, 0 for 82 when I look at you like this shit gravy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even pope be here. Ball so hard, since we here, it's only right that we be fair. Psycho, I'm libo, to go Michael. Take your pick, Jackson, Tyson, Jordan, game six. Ball so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tock. All the Mars that's losing time, hidden behind all these big rocks. Ball so hard, I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. Ball so hard, let's get faded. Lobberies for like 6 days. Gold bottles, soul models, spilling ace on my sick days. Ball so hard, bitch behave. Just might let you meet gay. Shot towns, B-Rolls, moving the next BK. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. She said, yeah, can we get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your ball. Come and meet me in the bathroom style and show me why you deserve to have it all. Ball so hard. That shit crack. That shit crack. Ain't it, Jay? Ball so hard. What she order? What she order? Fish fillet. Ball so hard. Yo, whip so cold. Whip so cold. This whole thing. Ball so hard. Like you ever be around motherfuckers like this again. Who's your girl? Grab her hand. Fuck that bitch, she don't wanna dance. She's my friends, but I'm in France. I'm just saying, Prince Williams ain't do it right if you ask me. Cause I was him, I would've married Kate and Ashley. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margiela? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It's gets gross. The people going. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. In the throne, don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. These other niggas is lying, acting like the summer ain't mine. I got that hot bitch in my home. You know how many hot bitches I own. You are now watching the throne. Don't let me into my zone. Don't let me into my zone. I'm definitely in my zone. Ils ont tous démarré sur Skyrock. Démarré sur Skyrock. Skyrock Classics. Ouais, mon gros. Version live sur Skyrock. Jackpot 2000. Jackpot 2000. KP, mon Kobe, gros. Jimmy, on est là. On est là. Ouais, mon gros. Ok. Je me fais tout petit pour pas que les videurs me tricardent. À l'entrée ça refoule, on n'accepte pas les fêtards. Accompagné, faut l'être si tu veux rentrer. Le physio qui est à la porte ne parle pas un mot français. 2m10, un clando, un bon morceau. Mais ce soir c'est sûr qu'on aura de bons morceaux. De bons morceaux. Dans mes poches, plein de viftons, de quoi m'amuser. Prendre la bouteille, étaler sur le canapé. Reste enroulé autour du bras, tout le monde est sur la piste. Petit pas synchronisé qu'on a répété à 10. Moi et mes complices, sur la même longueur d'onde. J'ai déjà choisi ma go et pour mon pote j'ai repéré une blonde. Y'a du monde dans la salle, le 113 sur Skyrock. Le DJ a ses platines, ça Mixette et son vieux poste. Tu sais, nos bons délires on les a pas oubliés. Des bonnes radios, y'en a pas des milliers. À l'ancienne. Je crois que je mise même pas repasser. Je me garde dans la glace et je me dis c'est déclassé. À cette heure-ci à l'entrée ça doit se tasser. Alors je rase ma barbe de 2 semaines, je suis pas pressé. Ça devrait se passer même si j'ai les yeux cassés. Et même si je suis avec 8, 9 disjonctés. On cache nos armes dans le buisson. Ma gueule se marrait bien avec le son. Hey garçon, c'est pour moi l'addition. Comme des tarés, je suis essoufflé. Pour me rafraîchir, je vais au bar pour consommer. Accoudé sur le comptoir, les lunettes quartier baissées. Je m'aperçois tous mes potes venaient juste d'arriver. Et là, je lève mon verre de coca, je picole pas. Je porte un toast à tous mes frères d'Africa. Et c'est comme ça, vu l'ambiance, fallait du cran pour stopper la sono. On rentrera à la cité à l'heure du premier métro. Entre jackpot, comme ça, à l'ancien, comme au bon Dieu d'enfant. Nos potes et ceux qui traînent avec, une version spéciale sans prêt. l'ancienne. 1, 2, 3 et 2 sorties. Salle du côté official, toujours au top optimal avec mon petit verre de Sky. Ouais. Et me laisse aller sur un son de George Benson. Ouais, les stromboscopes font briller mes jambes. Ouais. À l'ancienne, je fais un petit tour sur moi-même. Dans la foulée, repère une jolie demoiselle. Ouais, toutes les femmes ce soir se sont fait belles. Uh-huh. Sans aucun doute, je mets mon petit grain de sel. Buse pas sur la boisson, je t'en prie, fais pas le con. Eh, baisse d'un con, c'est un kit à faire, tonton. Je suis avec Jano, mon Jack à dos, c'est un poteau. Ce soir, c'est relax, je suis avec mes Jack poteaux. Ici, c'est le timal, je suis avec AP dans l'arrière salle. Montez tous dans le golf et dans 5 minutes. T'en remballe, et tête calme. Ce soir c'est le festival, sur Sky on met ça légal. Gros c'est la totale. Dimanche, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock Classics. Find the words to say. Classics tous les dimanches 18h-20h sur Skyrock. On passe une bonne fin de week-end. Dimanche soir, tous les dimanches soir, c'est 18h-20h, les meilleurs classiques de Skyrock à retrouver. Et attention, je sais qu'il y en a qui bossent demain matin. On vous fait un massage du cerveau avec ce son sur Skyrock pour bien attaquer la semaine demain matin. Courage à vous si vous bossez demain. Si vous avez bossé aujourd'hui, détendez-vous, tranquille. On est ensemble avec le son de Skyrock, Sugar Hill Gang notamment. C'est Rapper's Delight qu'on écoute maintenant. Sniper et Sniper vers du 9-5, c'est juste après Gravé dans la Roche et puis Arkeli The Game. Players Only sur Skyrock. 18h-20h, Skyrock Classics. I said a hit. The hip, to the hip, hip hopper, you don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello up to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm, that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a Sunroof Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talk on my checkbook, cause it costs more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a Death OJ. Everybody go, hotel, motel, Holiday Inn. See, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm not the G, I'm a Melon. It's on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake your dairy air. You're rocking to the beat without a care. Cruise the short shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of blind eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter, the pop, the pop, the pop. Give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, yo, throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I say the 1, 2, 3, 4, come on, girls, get on the floor. Come alive, yo, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. At the age of 8, I was a really great, cause every night you see, I had a date. At the age of 9, I was a right on time, cause every night you see, I had a party rhyme. Going on and on and on and on and on, the music don't stop until the break of dawn. Skyrock Classics. Thank you.

bouncing on the floor. This is how we do behind the players, though. Surrounded by them players and thugs. She on the floor. The girls going wild in the club. In VIP. Got drove with a bottle of buzz. She don't care. Shaking, just throwing them up. I really like to know her, the way she worms her. Body up and down, she got me heated up. I can't count, I really wanna beat it up. Show her how I hit the bar and spend it up. You ain't gonna be worried about being alone. Cause tonight we'll be together in my home. Exit out the club, bouncing our dome. Got that red cool, matching the chrome. Put that body in motion, motion. And watch it wave like an ocean, ocean. Now break it down and worm it, worm it. Then bring it up now, shake it, shake it. Players only. We wear them tricks, be jerking their bodies. Up in the club where they get real naughty. They come from here to the private party, where there ain't nothing but players only. Where the players be spending a lot of dough. Honey's got bouncing on the floor. This is how we do behind the players though. I'm still fresh like, Impala, Trace Young Gun, still riding the bass drum. Four times platinum, hated to love it, I'm still number one. Still in the hood, one hand on my gun, and my trigger finger still make. I mean the one with the ring and the tongue. Compton, R. Kelly found her in the slums. Shaking that rum, both hands on the pumps. In the home with me, I had your girl yelling, Kale's my drunk, but the two girlfriends still wanna have fun. Pass the blunt, let her drink red rum. Bet she ain't never seen a penthouse at the Trump. Me and R been around the world, and we'll give it to you just how you like it, girl. Girl, you on a mission. Step in the club, shutting down competition. The way you walk it, talk it, switch it. And when the doors close, handle your business. Now make your booty go. Break it down now. Bring it up now. Out the club, in the coupe, to the mansion. We gon' get bent up till the morning. Lean back in the chair while you wind it. Lap dance on me, girl, bump and grind it. We gon' do it till we drop, until the party stop. We gon' keep it hot, oh! Players only, we wear them chicks, be jerking their bodies. Up in the club where they get real naughty. They come from here to the private party, where there ain't nothing but players only. Where the players be spending a lot of dough. Honey's got passing on the floor. This is how we do behind the players though. I like it when you flip that, bump that, roll that, shake that, drop that, poke that, make it go clap clap. Flip that, bump that, roll that, shake that, drop that, poke that, make it go clap clap. Players only. We wear them chicks be jerking their bodies. Up in the club where they get real naughty. Take them from here to the private party, where there ain't nothing but players only. Where the players be spending a lot of dough. Honey's got bouncing on the floor. This is how we do behind the players though. Scott Storch, Kales, the game, y'all. On est premier sur le rap tous les dimanches entre 18h et 20h sur Skyrock. Premier sur les classiques aussi. C'était R. Kelly et The Game, Players Only. Et puis il y a plein de messages dans tous les sens, des tweets, notamment celui de Loïc de Lyon. Toujours les frissons quand j'entends Gravé dans la roche, le son de Sniper. Ouais, c'est ce qu'on écoutait avant. Mais vous inquiétez pas, jusqu'à 20h, je vous ai calé grave du classique. Avec attention, Beyoncé qui arrive, c'est Check On It. Il y a aussi Dev Bond et Karine, Tu Me Plais, mais t'exagères. Et Puff Daddy avec Jimmy Page, Come With Me. Tout ça, ce sera juste après Nirvana, le gros son de Doc Gineco sur Skyrock. Facile quand on marche dans sa ville. Même les bleus pour moi sont en civil. Je veux changer d'air, changer d'atmosphère. Je vais me foutre en l'air comme Patrick Devers, me droguer aux aspirines façon Marilyn. Il faut que je me supprime comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana comme Bérégo voit, clic clic boum, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana. C'est donc ça la vie, c'est pour ça qu'on bosse. Voir son gosse traîner dans le quartier dans une poche, les feuilles OCB dans une chaussette, la boulette à effriter, une cage d'escalier et le tout est roulé. Mais stone, le monde est stone. Il y a plus de couches d'ozone et les seins des meufs sont en silicone. Tu rêves de pèse, fini le gaze et 1, 2, 3, tu m'emmènes avec toi. 4, 5, 6, cueillir du vice. 7, 8, 9, dans ton cabriolet neuf. J'ai connu les bandes, les gangs, les meufs de gangbang et les gros bang, bang, bang dans la tête de mes amis. N'y pense même pas. Si tu tiens à ta vie, j'ai troqué ma famille contre ses amis et je me moque de ton avis. Je veux me doper à la Maradona car je suis triste comme le clown Zapata. Comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana. Comme Bérégo voit, clic clic boum, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana. Le docteur ne joue plus au fraudeur. J'achète des tickets par simple peur d'avoir à buter un contrôleur. Je flirte avec le meurtre, je flirte avec mon suicide. Vive le volontaire homicide. Je ne crois plus en Dieu et deviens nerveux. Allah, Krishna, Bouddha ou Jéhovah, moi j'opte pour ma paire de Puma. Elle guide mes pas à pas. J'ai fait le bon choix et j'y crois. Je n'ai pas touché mais caressé tous mes rêves. Je demande une trêve, le doc est en grève. Plus rien ne me fait kiffer, plus rien ne me fait marrer. De la fille du voisin, je suis passé à de jolis mannequins très convoités. Ma petite amie, elle est belle, elle est bonne. Elle s'appelle Brandy Kinnon. Si tu veux je te la donne car plus rien ne m'étonne. J'en ai marre des meufs, j'en ai marre des keufs. C'est toujours la même mouille, toujours les mêmes fouilles. Comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana. Comme Bérégo voit, clic clic boum, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana. Comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat. Classics, classics. Kayla 2SIKS. Why? You're stepping on my toes, back up off me. Take your hands off me, give me room to breathe. I'm not hearing it, I'm not fearing it. I'm up to my ears in it. I'm destructive, some women find that seductive. Some say it's lunacy. I won't permit it, I won't acquit it. I wanna fight you, I'll bite you. Can't stand nobody like you. Classics, 18h-20h. Oh Karine. Oh Karine. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Dis-moi, tu viens faire un petit tour en voiture? Non, j'ai des trucs à faire. J'ai des trucs à faire, vu comme tu as des trucs à faire. Allez, viens, arrête de marcher à pied, viens, viens tester mes nouveaux sièges. Oh, allez, je connais du monde ici, tu veux me faire remarquer ou quoi? Je sais, allez, monte dans ma caisse, bébé, après on voit. J'aurais jamais cru t'aimer comme ça. Dis-moi. Tu me plais. Ah ouais, vas-y, manque pas de chichi, dis-moi où on va. J'aurais jamais cru t'aimer comme ça. Dans mon taxi, système booming, caisse clean, check ma routine, rouler en rime. Mais ça, ici là, elle assise là, mets-moi dans les Mia, défend les Karine quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'pourrais tourner en ville, des heures pour elle, volant de ma Benz, Merco, flambé, mais elle s'fout de tout ça, qui que ce soit, elle aime pas ça. Vas-y, ouvre la porte, monte, dis-moi où on va. Nulle part, si tu continues à flamber ainsi. Minute, et j'dis un truc que t'as peut-être mal saisi, t'es pas ici. Non. Tu sais, chez toi, j'sais pas comment c'est, mais ici, on est plein de magnétiques, comment j'fais? Tu veux que je lève mes lunettes, que je mette plus le coude dehors, que j'arrête de râler et pousse le sang moins fort si je fais l'effort. J'ai pas de garantie pour autant. En volant à fond de cinquième, je suis dans mon cinquième élément. Tu me plais. Je sais, allez, monte dans ma caisse, bébé, après on voit. J'aurais jamais cru t'aimer comme ça. Dis-moi. Tu me plais. Ah ouais, vas-y, monte pas de chichi, dis-moi où on va. J'aurais jamais cru t'aimer comme ça. C'est vrai que l'aventure est si belle. Se balader dans la rue, dans ta voiture, bébé, me donne des ailes. Mais tu sais, je sais, ton délire causera tôt ou tard des torts. Et il me faudra partir. Oh bébé, quand tu roules, les mécaniques, ton moteur me saoule. Si je dois supporter tes manières. Tiens, un peu de temps, grimpe, allez, ah. Si tu te la pètes trop, je préfère le métro. Tu me plais. Je sais, mais allez, monte dans ma caisse, bébé, après on voit. J'aurais jamais cru t'aimer comme ça. Dis-moi. Tu me plais. Ah ouais, mais vas-y, monte pas de chichi, dis-moi où on va. J'aurais jamais cru t'aimer comme ça. Tu me plais. Comme ça. Tu me plais, mais t'es comme ça. Skyrock Classics, Classics, Classics, 18h-20h. You need to stop playing around with all the clowns and the wanksters. Good girls gotta get down with the gangsters. Go ahead, girl, put some back and some neck up on it. While I stand up in the background and check up on it. True, you watching me shake it. I see it in your face. You can't take it, it's blazing. You watch me in amazement. You can look at it as long as you don't grab it. If you don't go bragging, I might let you have it. You think that I'm teasing, but I ain't got no reason. I'm sure that I can please you, but first I gotta read you. I got to be patient. I like my man patient. More patient, you'll take my. Get you in more places. You can't be abrasive. Have to know the pace. If I let you get up on it, gotta make a promise that you gon' put it on me. Like no one's put it on me. Don't bore me, just show me. I'm in talk, but don't please. I can be a tease, but I really wanna please you. Underground and the king of the trill. Standing on the top of the south like the king of the hill. You're tuned into a winner that's never taken a loss. Reppin' Houston with Beyonce and Slim Thug the boss. Diamonds on the wood wheel, I'm a dirty south soldier. Draped up in F crown holder, thought I told ya. I like your wiggle and the way that you work it. But no touching, just watching you twerk it. I'm checking up on you tonight. Skyrock Classics avec Beyoncé, Slim Thug, c'était Check On It à l'instant, on vous prépare les Fugees avant 19h. C'est Ready or Not sur Skyrock. Et incontestablement le tube de l'été 2013, Happy Pharrell. Passez un bel été, de bonnes vacances si vous avez la chance d'en profiter. Le son de Skyrock sera par NB non-stop en mode classique, 18h-20h, Skyrock Classics avec les Fugees tout de suite et Pharrell Williams juste après. Écoute Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Yeah. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sana, boycotter le décollage de la 310 de la Yemenia. J'aurais été au temple d'Harlem, poussé Malcolm de la scène avant qu'une balle atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances, mais pour vider la soute de l'avion d'Alia. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Yeah.

meilleurs dimanches soirs, les meilleurs fins de week-end, c'est sur Skyrock. On les passe avec Pharrell Williams à l'instant, le tube de l'été 2013, c'était Happy. Sur Skyrock, il est 19h03, c'est Maxime avec vous. On est reparti pour une nouvelle heure de son 100% classique. L'émission s'appelle Skyrock Classics. Il y a eu plein de tweets en entêté d'ailleurs là. On va vérifier à quelle place et vous pouvez continuer à réagir avec le hashtag Skyrock Classics. KLA2SIKS, nouvelle heure de son maintenant qu'on fait péter avec Naughty by Nature. Voici Holiday, Not Tonight, c'est le son de Lil Kim juste après. Et NTM, Glow Star Cool Chain, La Fièvre sur Skyrock. Skyrock Classics avec Maxime, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock, Skyrock. Rap et R&B non-stop. Keep the rhymes right, yo, I just made this motherfucker up last night. And I'm the rookie on this all-star team, me and Kim is getting cream. Like Thelma and Louise, but on chrome. Never leave that Brooklyn shit alone. So if you say it's on, then it's on. Bang this in your whips. Pack them Coda Goldie with the chips in the wrist. Here's a French kiss. I dismiss all you chicks. Spit six from the fourth, fifth. Make it dance. Ow! I stay focused and the dopest. Like a penny with a hole in it. Y'all just hopeless and topless. I ain't lying. Niggas tryna knock me off, keep trying. All it takes is one phone call to my street team. Promote that ass like a soundtrack, you jack. Sit it, send it off with the 850. Y'all missing the buck, what the fuck? Bump Biggie in the truck, in the buck to my double bitches. Let me see you do the bank head if you're riches. It's the rap, make West the QB. And I got all my sisters with me. Je contrôle d'ailleurs, je suis déjà au volant de ma quête direction les abysses. Oh, j'ai rendez-vous avec l'homme que l'on nomme Joey Star. Mais j'ai pas fait 500 mètres que les keufs m'arrêtent et me prennent. de me mettre sur le côté afin de me soumettre à un contrôle d'identité, simple formalité. Quand on a ses papiers, mais voilà là, je les avais pas sur moi. J'ai donc été invité au commissariat où là, ils m'ont mis la fièvre pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre pendant. Putain, 3 heures maintenant que je l'axe. Hâte de faire la bande kilométrée comme trop souvent. Le revoyant me précisant en insistant qu'il me faut arriver dans les temps pour un truc important. Quand t'apparaît devant moi une pièce, c'est mal barré pour que je reste bloqué. Là, c'est mal barré. Faut que je me décide et fasse mon choix dans des réactions très nettes. C'est net. J'ai plus qu'une seule idée en tête, faut que je la serre. Avant que cela ne me manque, il faut qu'on fasse la paire. Mais il faut que je tempère mon excitation. Oh, regarde, j'ai déjà la fièvre à la vue de ce canon. Luxeuse et pure, trop contemplative. Non, laissez-moi encore un peu de temps, c'est pas le bon moment. Je sais, j'ai pas la journée, mais je peux prendre tout mon temps. Tant il lui fait que je lui fasse du rentre dedans. Cette forme qui s'endule, moi ça j'aime. Tant pis pour qu'on chaîne, j'en lâche pas, non j'enchaîne. Comme se le doit leur fèvre. Jamais, jamais d'un coup de lièvre. Alors, pendant des heures. Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures. Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures. Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures. Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures. Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures. Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures. Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures. Mais ils m'ont mis la fièvre pendant des heures. Je suis resté assis sur un banc contre le radiateur. J'avais pourtant des choses à faire. J'avais beau le répéter, mais y'avait rien à faire. C'était définitivement pas mon jour. Déjà le rock au réveil, j'étais pas vraiment pour. Y'a des jours comme ça où tout ne va pas pour le mieux. Y'a des jours où tout part en couille de quoi. Parle pour toi, ne sais, car pour moi ça fait terrible. J'ai passé la journée avec une meuf terrible. Une pillage de magazine. Beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines. Donc, je te laisse imaginer la suite. Je te fais pas de dessin, ça risque d'être censuré dans le clip. Mais bon, il n'y a pas de répit, pas de trêve. Pendant des heures et des heures, je lui ai mis la fièvre. Pendant des heures, je lui ai mis la fièvre. Pendant des heures, je lui ai mis la fièvre. Pendant des heures, je lui ai mis la fièvre. Pendant des heures, je lui ai mis la fièvre. Pendant des heures, je lui ai mis la fièvre. Pendant des heures, je lui ai mis la fièvre. Yeah. 18h20, 18h20, Skyrock Classic. life, no stress and lots of happiness. I'm better than that. I'm not gonna blast you on the radio. I'm better than that. I'm not gonna lie to you and your family. I'm better than that. I'm not gonna hate on you in the magazine. I'm better than that. I'm not gonna compromise my Christianity. I'm better than you that. You know I'm not gonna diss you on the internet, 'cause my mama taught me better. Comme chaque dimanche, on est premier sur les classiques avec Michelle Williams, Beyoncé et Kelly Rowland, les Destiny's Child à l'instant avec le son Survivor, une découverte Skyrock évidemment. Arrested Development, ça arrive, c'est Mr. Vendol, c'est ça. On prépare aussi Arsenic, Box avec les mots, une version Skyrock exceptionnelle. MC Solar sur le son de Missy Elliott, c'est All In My Grill sur Skyrock. Rap R&B non-stop en mode classique, c'est 18h-20h. Skyrock Classics. Have a dollar. In fact, no, brother man, here, have two. $2 means a snack for me, but it means a big deal to you. Be strong, serve God only. Know that if you do, beautiful heaven awaits. As to pull my rope for the first time, I saw a man with no clothes, no money, no plate, Mr. Wendell. That's his name. No one ever knew his name, 'cause he's a no one. Never thought twice about spending on an old bum until I had the chance to really get to know one. Now that I know him, to give him money isn't charity. He gives me some knowledge, I buy him some shoes. And to think blacks spend all their money on big colleges, still most of y'all come out confused. Go ahead, Mr. Wendell. Go ahead, Mr. Wynn. Mr. Wendell has freedom, a free that you and I think is dumb. Free to be without the worries of a quick to diss society, for Mr. Wendell's a bum. His only worries are sickness and an occasional harassment by the police in their chase. Uncivilized, we call him, but I just saw him eat off the food we waste. Civilization, are we really civilized? Yes or no? Who are we to judge when thousands of innocent men could be brutally enslaved or killed over a racist grudge? Mr. Wendell has tried to warn us about our ways, but we don't hear him talk. Is it his fault? When we've gone too far, and we got too far, 'cause on him we've walked. Mr. Wendell, a man, a human in flesh, but not by law. I feed you dignity to stand with pride. Realize that all in all, you stand tall. Go ahead, Mr. Wendell. Skyrock Classic, Classics. Ouais. 18h-20h. 98. Ouais. Boxe avec les mots. Sixième chaudron. Ouais. Je boxe avec les mots. Je boxe avec les mots. Les bits, mes vers sur le beat, mon poison pour la flow. Pour la flow. Flow fait swinguer la foule. Dans sur l'air de la lame, le chant des fusils. L'air est malsain, c'est une époque à damner un saint. Comme un usine crache, la mort j'accuse. Arrache la muse au lien cache. J'mâche plus mes mots, je lâche des bombes à chaque fois. Sache que l'heure est proche. L'averse tire tes proches avant le clash. Meurs à sanglant, rime d'aille dans la roche. Attache de l'importance au sens dans mes textes. Ose causer, misère en pause. Puis exploser pour la bonne cause. La PJ sous une bâche, à qui profite la guerre. La PJ censure un rap moins violent. Choisis des guerres, entache mon business. Tu caches la vérité, les coups sont mérités. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'ai hérité de la violence, ça afflue sur mes compositions. Tu prétends faire du rap sans prendre position. Faire opposition, ça me connaît, moi je veux cogner en me faisant de la monnaie. Donner plus recevoir au bonheur abonné. Je boxe avec les mots, je vis aussi chaud. J'ai sur le dos avant mes paroles. Les formules et autres politesses, nous on s'en fout. Tu kiffes pas Renoir, t'écoutes pas et puis c'est tout. J'évite le non-sens comme un virus. Superstar dans le ghetto. Comme à la roulette russe. Les taux se resserrent. Les crimes et le veto. Les jeunes se mettent au rap très tôt. Ils frappent la résistance et préto. Les gros deviennent si un méto. Les barreaux de prison. Ils s'enferment d'expression orale. Ils claquent moral. Le rap est sous pression. Grand ligne orale. De pression de la gâchette. Ici où le viscère. Mon album s'achète comme un douce bien viscère. Serre-moi la poigne. Les mots des frères je soigne. Mes mots en témoignent. Si l'enfer est pas fait de bonnes intentions. Que le port s'éloigne encore. Un autre prétexte. Un texte violent. Mais voilà. C'est pas du violon. Mon frère les rimes à la mort. Insolent, mon solo rap shoot, crée le doublet, moi le micro, déjà les accros veulent des bootlegs. Écoute, ouais. Arsenic c'est pas une black wingle, kiffe le single, laisse la dance au drag. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats mes vers sur le beat, le poison ou la flow. La flow, mon flow fait swinguer la foule. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats mes vers sur le beat, le poison ou la flow. La flow, mon flow fait swinguer la foule. Un beat, une grosse basse, faut que je me place hausse. La voix pour mes sauces, passe-moi les basses d'os. Faut qu'on les blesse tous, les pousse dans la fosse. Fesse les fausses faces, laisse une trace dans ce nez. Puis en caisse, en face méga en masque. Flirte avec le meurtre, ta sensibilité jurtée. C'est ton sang qui tache mon t-shirt. Elle, hyène hostile, boum boum, finance tes obsèques. Zoom sur ma clique, mes cartes au sus, mon sec. XXX large, me fixe et charge. Je me garde mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Une charge explosive, vagerie, pousse au crime, au carnage dur. Car c'est dans la merde que mes lascar au carnage. Tueur de clown, cyclone, rap, chasseur de clones et parano. Pousse avec Calvo et Tony Serrano. Le tap au tap, frappe au micro. Brûle pas les états pauvres, faire comme l'engin dans mon holster. Tu peux y laisser ta peau. Boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats, mes vers sur le beat, le poison ou la flow. La flow, ou la flow. Mon flow fait swinguer la foule. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats, mes vers sur le beat, le poison ou la flow. La flow, ou la flow. Mon flow fait swinguer la foule. Avec les mots, je pense avec les mots. Les beats, les vers sur le beat, le poison ou la flow. La flow ou la flow. Mon flow fait swinguer la foule. Je pense avec les mots, je pense avec les mots. Les beats, les vers sur le beat, le poison ou la flow. La flow ou la flow. Mon flow fait swinguer la foule. Je pense avec les mots, je pense avec les mots. Je pense avec les mots. Skyrock Classics. I'm coming with the real, real. Yo, I'm coming with the real, real. Yo, I'm coming with the real, real. One two. Why you all up in my grill, boo? Yeah, don't explain. You never change. Skyrock's the name. Watch them blaze. Funky beats and funky tracks. They're in control and never whack. Go ahead, play the song all night long, all day long. Remember me, the real MC. Let's see, It's the missing misdemeanor here. Talk is talk, talk is cheap. Tell it to her, don't say it to me. Cause I know I'm in control. See tricks up for kids and move them too old. Go ahead with your game. Don't ever come back to me again. Where you go, remember me. I'm the best thing in history. Zigzag, oui j'ai dû zigzaguer de comète en planète, ta salopette aux aguets. Shoot dans des canettes car y'a plus de bisous, plus de baisers, plus de bis, juste un bis bis de bijoux. Tu veux du cling cling clinquant, Louis Vuitton pack sale, top du top, rien que ça, plus Merco classe. Je braquerai les banques toutes, puis ferai banqueroute, boufferai des casse-croûtes juste pour paver dehors ta route. J'aurai à cash cash pour trouver le cash, userai de la calage, de la tchatch, vendrai même du hash. Solar Flip Jet Set, clean, honnête et net, t'offrira des tas coupées pleine de petites pépettes. J'aurai les poches vides, porterai le même jean, lèverai mon verre à la tienne. Tu diras chin chin, t'auras tout ce que sur terre le soleil fait briller. Jouera au Monopoly avec des vrais billets. If you want me, where's my dough? Where's my dough? If you want me, buy me clothes. Don't even talking, have my dough. Where's my money? Where's my clothes? Vous écoutez Skyrock 18h-20h tous les dimanches. Skyrock Classics, les versions uniques de vos sons préférés, les meilleures versions qu'on vous ressort. C'était MC Solar avec Missy Elliott, All In My Grill en Skyrock version. Attention, on vous prépare le Hit US à partir de 20h-21h comme chaque dimanche. On va découvrir les classements des 10 titres les plus vendus aux États-Unis. C'est avec Stéphane et ça débarque dans 25 grosses minutes. D'ici là, du son classique à se faire avec attention Iggy Azalea, Fancy, ça arrive. Il y a aussi Cynic, Une Époque Formidable, et attention la bande originale de Prison Break. Voici Faf La Rage sur Skyrock. Paris contre le sort. Pas le choix, faut y aller. Pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir. L'ombre vient effleurer nos songes. La lutte garde en éveil, alors je fonçais. Mon ciel est ouvert et mes pieds trop enracinés. Ma route est longue et trop de carrefours me font hésiter. Mon temps est parti, mon esprit glisse ailleurs. Au fait du vent, mes chances en quête de récepteurs. Dans la poussière un écho, et qui pourrait y croire si ce n'est moi à travers mes barreaux. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Semble s'éteindre, seule une étincelle au fond de moi peut l'atteindre. Au bout, c'est ma zone et j'en ressens les limites. Des bribes d'hommes libres me dictent ma ligne de conduite. Les dés sont jetés, rien n'est joué, même le sort retient son souffle, piégé dans un sablier. J'ai décidé de ne pas être prisonnier. Je n'ai que ma vie à offrir si jamais j'échouais. Pas de choix, faut y aller. Même si dans mon horizon les visages semblent trop résignés, je vole vers mon but sans bruit ni adieu. J'ai brisé mes peurs et pour ma paix, dis-leur que. En Paris contre le sort, ouais. Et si les jeux sont faits, y'aura pas de remords. Laissez la roue tourner, j'apprends à vivre, yeah. À être libre, rester lucide, yeah. Non, je n'ai rien à perdre. Fixe mes règles dans mon univers, Et à chaque bouffée d'air, j'opère comme si c'était la dernière. Il n'y aura pas de rédemption à venir. La volonté, la clé de la réussite. Si je dois exceller, tout donner, prendre ce que je veux. Si le monde m'appartient, restez pas au milieu. Et si le sort est contre moi, c'est tant pis. On fait des plans pour s'en sortir, écoute. Pas le choix, faut y aller. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Sortir. J'ai pas le temps, mon esprit mis ailleurs. Pas le choix, faut y aller. J'ai pas le temps, mon esprit. Je veux le meilleur. On fait des plans pour s'en sortir. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. First things first, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. Back. On my wrist. Taking all the liquor straight. Never chase that. Never. Stop like we bring an 88 back. What? Bring the hook scene where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. Over all, I thought you knew that I'd be the I-G-G-Y, put my name in bold. I've been working, I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. How you love that? Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing, slaying it. Go trigger on a trigger light. Skyrock Classics, les éternels de Skyrock, en version originale. L'histoire commence au Zulis en 1984. Petit épice, dire que cette ville allait changer ma life. J'en suis marqué, j'ai débarqué un soir d'hiver. Cité de bergère, tout a l'air grand mais faudra bien s'y faire. J'avais 4 ans mais les souvenirs me sont restés intacts. Ainsi débute ma vie entre les deux aspects, le terrain vague. De jour en jour mes nouveaux potes seront mes nouveaux frères. Peut-être qu'on est sur terre, seul l'enfer me sera offert. À cet instant j'ignore encore que les matons m'attendent. Va dire à ta maman que je suis un bon, que j'ai déjà ma bande. 88 on a 8 piges et tout roule. Avec mes potes on joue au foot, de la tour février à la tour août. À l'école ça se passe mal, je me sens mal, je vis mal, je dors mal et quand j'en parle j'ai mon cœur qui s'emballe. Tous les 25 décembre il faut trouver les mots, l'argent nous fait défaut et par sa faute le père Noël est mort. J'ai peur de rien sauf de mon père et ses putains de colère, de ce putain de collège, des profs et des bulletins scolaires. Ça se dégrade doucement mais sûrement et tard le soir sur le banc j'entends les grands pousser des hurlements. Deux années passent et les premiers soucis ça masse très vite. La chance m'évite alors après la classe on casse les vides. J'ai mis le son mais quand je rentrais j'apprenais pas mes leçons. Petit mais paresseux, trop parisien mais bon neige pas raison. 90, j'ai 10 ans, je commence à faire le mac. Et même à parler mal parce que j'ai pas cette putain de paire de Nike. Je traîne de plus en plus, aime de moins en moins. Hier quand je suis rentré j'ai vu des jeunes rouler des joints dans le coin. J'ai mis l'été avec mes potes, le soleil sur l'épaule. Du rap et du football, tant que les grands dessoulés sous les halls. J'encaisse les coups quand j'ouvre ma gueule ou j'ai un mot. Hors de la norme, encore un homme caché dans le corps d'un mot. Anéanti car mes parents n'ont jamais su mentir. Lucie m'appelle fils parce que ce fils de pute m'a vu grandir. Doucement je commence à rentrer tard pour admirer les tours. J'ai 12 ans et l'école, casse les couilles alors je sèche les cours. Je te l'ai pas dit, à cette époque la rue m'inspire. À 13 ans j'écrivais des petits bouts de phrases qui ne voulaient rien dire. Premier chapitre, les Ulysses pour adresse. Premier couplet de 84 à 93. Tu dois pouvoir m'expliquer ce que c'est. Une lettre de l'école. Ils disent que tu y vas pas depuis des mois. Rappelle-toi, on était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de label. 10 ans plus tard, certains manquent à l'appel. Un peu plus tard, j'aurai ma ville comme soutien. Soudain, j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens. Pour que tu saches que toute ma life a un goût de flingue. Pour pas que t'oublies après Bergère, rajoute jeune. Pour que tu saches à quel point tout ça me manque. Que tu comprennes mon histoire tout simplement. L'histoire reprend violemment. Année 1994, à une époque mon pote, où les carreaux éclatent et les keufs claquent. Mauvaise fréquentation entraîne les tentations, désordonnées selon la conseillère de désorientation. L'école c'est mort, je redoute que ma redoute. Dans le fond c'est rien à foutre, parce que plus tard je serai une star du foot. Mes premiers vols, mes premières tapes, mes premières alias. Mon premier pote qui meurt, mon premier flingue devant ma première tasse. Du haut de ma tour, je vis en hauteur avec ma peine autour. Ce putain de monde est sourd, personne m'entend lorsque j'appelle au secours. 95 avec mes potes, ça va de plus en plus mal. Les nœuds pour la plupart, aucun culpa, je m'endors plus en plus tard. J'ai l'air d'un gosse fait pour la tête, c'est les pistes des tronlits. Les grands m'ont dit fais gaffe parce que les keufs te soulèvent dans ton lit. Effectivement, les keufs te sautent pour te faire déraper. J'avais 16 ans quand j'ai gravé Malsain en GAV. Encore trop jeune pour travailler, plus d'école. Alors on traîne et on déconne, ici c'est le hall qui distribue les rôles. J'ai mis rappé mes potes pas trop, mais j'ai tenté ma chance. C'était la première fois que des bouts de phrases pouvaient quitter ma chambre. Le mien m'écoute mais ne me suit pas dans mon délire. Tandis qu'au Samon y'a du flow, déjà très tôt c'est ce que j'entendais dire. C'est avec eux que je pète le mic et toutes les carotides. De tous les carotides, baisse la ville de façon chaotique. À part le son, 2 ans plus tard j'ai grillé toutes mes cartes. Et j'ai soufflé mes 18 bougies au D4. En ressortant, je me suis pas dit que j'avais eu tort, mec. C'est pour le simple fait, mais ça ne te rend ni plus faible ni plus fort. J'ai dû tirer ma première taf un putain de soir d'été. Puis j'ai compris que c'était mal et je commence à regretter. Entre temps, j'ai dû replonger 2-3 fois. La police veut m'avoir, le rappel love de ma voix. Rappelle-toi, on était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de label. 10 ans plus tard, certains manquent à l'appel. Un peu plus tard, j'aurai ma ville comme soutien. Soudain, j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens. Pour que tu saches que toute ma life a un goût de flingue. Pour pas que t'oublies après Bergère, rajoute jeune. Pour que tu saches à quel point tout ça me manque. Que tu comprennes mon histoire tout simplement. Rappelle-toi, on était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de label. 10 ans plus tard, certains manquent à l'appel. Un peu plus tard, j'aurai ma ville comme soutien. Soudain, j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens. Pour que tu saches que toute ma life a un goût de flingue. Pour pas que t'oublies après Bergère, rajoute jeune. Pour que tu saches à quel point tout ça me manque. Que tu comprennes mon histoire tout simplement. Skyrock Classics, Classics, Kayla 2SIKS. Blink comme the thing them call the broken heart. This blessed love will never part. They don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I don't say dirty, dirty love. So stay at that, that, that, that, that, love. I'm still in love with you, boy. So girl, I try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. That's a loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love. gonna do? What a man gonna do? Girl, what I never had for promising, I'm bling bling for all the girl. When I love to loving when me fling fling control the girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, make it feel love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your barn. I know you want your cat, and me just can't perform. I love you, baby. I show you get a little loving of a girl. You don't know how to love me. I ain't know no time for no kissing and not chow. Even how to kiss me. I show me take a little advice down. I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. I love you, baby. I don't see that, see that, see love. Say that's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, can't you understand that a man is just a man? That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yes, I'm still in love. Yo, what a man gotta do? What a man gotta do, girl? Hey, I do me give her thug love and say bye, bye, bye. But turn around, she ask a question, why? When me leave in me city, girl, I cry, cry, cry. And it hurts my heart to tell a lie, lie, lie. So don't cry no more, baby girl, for sure. Just remember the good times we had before. I love you, baby. I show you get a little loving and be gone. You don't know how to love me. Time for no kiss up my not tongue. Not even how to kiss me. I do me take your little advice down. I don't know why. Hey baby girl, I love you, baby. I don't say dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. Well, I'm a hustler and a player, and you know I'm not to stay. That's a dirty, dirty love. Understand that the man is just a man. That's the way I give my love. I'm still in love with you, boy. The best of love from the start, but you know we're at the part. That's a dirty, dirty love. I'm still in love. Yes, I'm still in love with what a man you. Gotta do. What a man gotta do. On est bien, c'est dimanche soir, c'est Skyrock Classics, l'émission de référence sur les classiques, seulement sur Skyrock. Pour bien terminer le week-end, c'était Sean Paul et Sacha, I'm Still In Love With You. Dans moins de 10 minutes, on retrouve le Hit US, le classement de référence des 10 titres rap R&B les plus vendus, les plus téléchargés aux États-Unis cette semaine. Qu'est-ce que les Ricains ont kiffé? On va découvrir tout ça avec Stéphane à partir de 20h comme tous les dimanches. Mais juste avant, Guinois et Pony à écouter. Ginoy Pony et le Hit US, ça pas loupé, c'est 20h-21h chaque dimanche sur Skyrock. Écoute Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. I wanna know, I wanna know, baby. If you wanna go, you wanna go, you wanna go, lady. I wanna know, I wanna know. Ni à l'état hôtel. C'est mon domaine dans le choix des hôtels. J'excelle 5 étoiles minimum pour la plus belle demoiselle. Salle de bain avec jacuzzi.

Skyrock Classics, animé par Maxime. Yeah, yeah, yeah. We all mad. Come on, come on. So everybody's living it up. To everybody that we living it up, we say. So everybody's living it up. Come on, baby, this is your typical everyday one night thing. It's a physical. I'ma love you tonight, gang. Love calling your name. Go jump on in the range and roll over. I just really wanted to hold you. Time get to know you. That's a good chick. Before it's all over, I'ma meet this chick. Probably treat this chick more better. Cause if you ain't, no, thugs and ladies go together. Popping my collar, partner, who in the spot? Baby, rule in the spot, in the mug, in the watch. Love me, half of y'all hate me, half y'all love me. The ones that hate me only hate me cause they don't trust me. And they say I'm lucky. You think I got time to blow all this dough and do all these shows? On flight in the llama, charging white robes. Uh-oh, another episode. Do I do? To everybody that be living it up, we say. What? Giving it up, what you do? To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up. My ladies just wanna hold a day, Miss Atkins. That's why they show love with more passion than average. And I ain't mad at you. Never leave you alone. Cause a song when I'm home, like a song when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Let's be hit it off at first sight, like love don't fit you. Mini zones, baby, love it, yo, hate it, oh. From prissy women to women, that's overshadowed. But you know the ruby, living it up. Ain't got all of y'all giving it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual. I got a stick, I'll ride right next to you. Doing donuts and cuts, then I open it up. On the freeway, hand on the wheel, foot on the clutch. Rude, baby, not giving it up. Do I do? To everybody that be living it up, we say. What I do? And all my ladies that be giving it up. What you do? To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up. My love. Come on, we get right. Come on, we get loud. Come on, we get right. Live your life. Love, you so sexy. I just want you next to me. Your whole vibe's like a sign in ecstasy. Cause ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I wanna feel your passion. Come when you ask. Laugh when you cry. Cry when you laugh. But ain't nothing happening. Homegirl got a little uptight. Turned off the light and started crashing. The radio blast between me and you. But you ain't on the low with the pretty thing you do. Girl, I thought you knew what I do. You know I know what I do. Cause it ain't a good night if you don't act right. Like Teddy B, let's turn off the lights and grind it out. Taking no time down till the sun come out. Let me find out. To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, what to everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up. My love's come on. For you. To everybody that be living it up, we say. What I do? And all my ladies that be giving it up. What you do? To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up. My love's come on, we get you. Right. Come on, we get live. Come on, we get right. It's my time. Woo, baby. Yeah. Do a roll. Do I do? Low key. We are. C'est Skyrock premier sur le rap, premier sur les classiques tous les dimanches soirs entre 18h et 20h. L'émission s'appelle Skyrock Classique. Si vous êtes nouveau sur Skyrock, c'est l'émission où pendant 2 heures on se fait les sons qui ont fait l'histoire et le succès de Skyrock. Là c'était Ja Rule avec Living It Up. Il est 20h04, un peu à la bourre, mais bon, on va rester aux États-Unis avec le Hit US tout de suite. Salut bah Steph. Ouais. Et on est parti pour la nouvelle révélation du Hit US après Skyrock Classics, comme tous les dimanches soirs sur Skyrock. Et ouais, après les sons qui ont fait l'histoire de Skyrock, on va découvrir ceux qui vont faire le futur de Skyrock. C'est ça, ils sont en train de la faire actuellement. Ouais. C'est parti Maxime. Et bah très bien, ouais. Ça marche. Salut Steph, à demain matin. Ouais. Ça marche. Ciao, ciao. Ciao, Maxime. 14h à New York, 11h à Los Angeles.